Deuxième livre des Chroniques, chapitre 29. Ézéchia commença à régner étant âgé de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère avait nom Abija, et elle était fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit devant l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel, et les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites, il les assembla dans la place orientale, et leur dit, « Écoutez-moi, lévites, sanctifiez-vous maintenant, et sanctifiez la maison de l'Éternel le Dieu de vos pères, et jetez hors du sanctuaire les choses souillées. Car nos pères ont péché, et ont fait ce qui déplaît à l'Éternel notre Dieu, et l'ont abandonné, et ils ont détourné leur face du pavillon de l'Éternel, et lui ont tourné le dos. Même ils ont fermé les portes du porche, et ont éteint les lampes, et n'ont point fait de parfum, et n'ont point offert d'holocauste dans le lieu saint au Dieu d'Israël. C'est pourquoi l'indignation de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés à être transportés d'un lieu à l'autre, et pour être un sujet d'étonnement et de dérision, comme vous le voyez de vos yeux. Car voici, nos pères sont tombés par l'épée, nos fils, nos filles, et nos femmes sont en captivité à cause de cela. Maintenant donc j'ai dessein de traiter alliance avec l'Éternel le Dieu d'Israël, et l'ardeur de sa colère se détournera de nous. Or, mes enfants, ne vous abusez point, car l'Éternel vous a choisi, afin que vous vous teniez devant lui pour le servir, et pour être ses ministres, et lui faire le parfum. Les Lévites donc se levèrent, savoir Mahat fils de Amasaï, et Joël fils de Zaria, d'entre les enfants des Kathites, et des enfants de Merari, qui fils d'Abdi, et Azaria fils de Jal-Léel, et des Garsonites, Joa fils de Zima, et Edan fils de Joa, et des enfants d'Élite Safan, Sinri et Jéiel, et des enfants d'Azaph, Zachari, et Matania, et des enfants d'Emma, Jéiel. Et Simi, et des enfants de Jédutin, Semaïa et Uziel. Lesquels assemblèrent leurs frères, et se sanctifièrent, et ils entrèrent selon le commandement du roi, conformément à la parole de l'Éternel, pour nettoyer la maison de l'Éternel. Ainsi les sacrificateurs entrèrent dans la maison de l'Éternel, afin de la nettoyer, et portèrent dehors, au parvis de la maison de l'Éternel, toutes les choses immondes qu'ils trouvèrent au temple de l'Éternel, lesquelles les Lévites prirent pour les emporter au torrent de Cédron. Et ils commencèrent à sanctifier le temple, le premier jour du premier mois, et le huitième jour du même mois, ils entrèrent au porche de l'Éternel, et sanctifièrent la maison de l'Éternel pendant 8 jours, et le 16e jour de ce premier mois ils eurent achevé. Puis ils entrèrent dans la chambre du roi Ézéchia, et dirent, « Nous avons nettoyé toute la maison de l'Éternel, et l'autel des holocaustes, avec ses ustensiles, et la table des pains de proposition, avec tous ses ustensiles. Et nous avons dressé et sanctifié tous les ustensiles que le roi Achaz avait écartés durant son règne, dans le temps qu'il a péché, et voici, ils sont devant l'autel de l'Éternel. » Alors le roi Ézéchia se levant dès le matin, assembla les principaux de la ville, et monta dans la maison de l'Éternel. Et ils amenèrent 7 veaux, 7 béliers, 7 agneaux, et 7 boucs centaures, afin de les offrir en sacrifice pour le péché, pour le royaume, et pour le sanctuaire, et pour Juda. Puis le roi dit aux sacrificateurs fils d'Aaron, qu'ils les offrissent sur l'autel de l'Éternel. Et ainsi ils égorgèrent les veaux, et les sacrificateurs en reçurent le sang, et le répandirent vers l'autel. Ils égorgèrent aussi les béliers, et en répandirent le sang vers l'autel, ils égorgèrent aussi les agneaux, et en répandirent le sang vers l'autel. Puis on fit approcher les boucs pour le péché devant le roi et devant l'assemblée, et ils posèrent leurs mains sur eux. Alors les sacrificateurs les égorgèrent, et offrirent en expiation leur sang vers l'autel, afin de faire propitiation pour tout Israël, car le roi avait ordonné cet holocauste et ce sacrifice pour le péché, pour tout Israël. Il fit aussi que les Lévites se tinssent en la maison de l'Éternel, avec des cymbales, des musettes, et des violons, selon le commandement de David, et de Gaal le voyant du roi, et de Nathan le prophète, car ce commandement avait été donné de la part de l'Éternel, par ses prophètes. Les Lévites donc y assistèrent avec les instruments de David, et les sacrificateurs avec les trompettes. Alors Ézéchia commanda qu'on offrit l'holocauste sur l'autel, et alors qu'on commença l'holocauste, le cantique de l'Éternel commença avec les trompettes, et avec les instruments ordonnés par David roi d'Israël. Et toute l'assemblée était prosternée, et le cantique se chantait, et les trompettes sonnaient, et cela continua jusqu'à ce qu'on eut achevé d'offrir l'holocauste. Et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui se trouvèrent avec lui s'inclinèrent et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchia et les principaux dirent aux Lévites, qu'ils louassent l'Éternel suivant les paroles de David, et d'Asaph le voyant, et ils louèrent l'Éternel jusqu'à tressaillir de joie, et ils s'inclinèrent, et se prosternèrent. Alors Ézéchia prit la parole, et dit, « Vous avez maintenant consacré vos mains à l'Éternel, approchez-vous, et offrez des sacrifices, et des louanges dans la maison de l'Éternel. » Et ainsi l'assemblée offrit des sacrifices et des louanges, et tous ceux qui étaient d'un cœur volontaire offrirent des holocaustes. Or le nombre des holocaustes que l'assemblée offrit, fut de 70 bœufs, 100 moutons, 200 agneaux, le tout en holocauste à l'Éternel. Et les autres choses consacrées furent, 600 bœufs, et 3000 moutons. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre, de sorte qu'ils ne purent pas écorcher tous les holocaustes, c'est pourquoi les Lévites leurs frères les aidèrent, jusqu'à ce que cet ouvrage fût achevé, et que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés, parce que les Lévites furent d'un cœur plus droit que les sacrificateurs, pour se sanctifier. Et il y eut aussi un grand nombre d'holocaustes, avec les graisses des sacrifices de prospérité, et avec les aspersions des holocaustes. Ainsi le service de la maison de l'Éternel fut rétabli. Et Ézéchia et tout le peuple, se réjouirent de ce que Dieu avait disposé le peuple, car la chose fut faite promptement.